si tu crois en la loi de Dieu, tu dois savoir qu'aucune chose ne se produit par hasard. Dieu arrange tout. Pourquoi Dieu fait-il cela? Quel est son but final? Ce n'est pas pour t'exposer, mais pour te parfaire, te sauver. Comment Dieu te parfait-il et te sauve-t-il? En te montrant ta corruption, ta nature, ton essence, tes fautes. Connais ces choses et tu t'en affranchiras. Apprends à saisir cette chance. Sache que tu dois la saisir. Ne combats pas, ne te dispute pas, ne résiste pas. Si tu contestes tout ce que Dieu arrange pour toi, alors il te sera difficile d'entrer dans la vérité. Comment Dieu te parfait-il et te sauve-t-il? En te montrant ta corruption, ta nature, ton essence, tes fautes. Connais ces choses et tu t'en affranchiras. J'ai pris et viens devant Dieu. Ton état intérieur changera. La vérité sera en toi. Tu feras des progrès. Tu connaîtras un changement de vie. Quand tu auras cette réalité, ta stature donnera la vie. Comment te parfait-il et te sauve-t-il? En te montrant ta corruption, ta nature, ton essence, tes fautes. Connais ces choses et tu t'en affranchiras. Comment te parfait-il et te sauve-t-il? En te montrant ta corruption, ta nature, ton essence, tes fautes. Connais ces choses et tu t'en affranchiras. Oui, connais ces choses et tu t'en affranchiras.